Chapitre 20e. Ces nouvelles relations n'avaient pas été du goût de M. de Mussidan. Encore des gens d'une condition inférieure, un journaliste, une paysanne en bonnet, quel plaisir pouvait-on trouver dans une pareille compagnie? Et il n'y avait pas eu assez de raillerie pour ce journaliste, cet effaré qu'il n'appelait jamais que M. Effaré, ce qui était pour lui aussi drôle que méprisant. Cependant, il l'avait trouvé bon pour lui demander service, cet effaré. Justement, il avait besoin à ce moment même d'une misérable somme de 150 francs qu'il ne savait comment se procurer, ayant été partout refusé, et le jeune journaliste, ce garçon d'une condition inférieure, la lui avait fait toucher en le mettant en relation avec une librairie qui vendait des livres à crédit, à temps par mois. C'était à cette librairie que Fary achetait les encyclopédies, les dictionnaires qui lui étaient indispensables pour travailler, et M. de Mussidan avait acheté ainsi toute une collection de dictionnaires. Seulement, au lieu de la garder pour travailler, il l'avait immédiatement revendue à un autre libraire contre la misérable somme de 150 francs qu'il lui fallait en attendant l'héritage de Mademoiselle depuis le Reims. Madame de Mussidan trouverait sûrement 20 francs par mois pour payer cette dette. Ce serait une habitude à prendre, voilà tout. Quand on sait qu'on a une échéance à date fixe, on s'arrange pour y faire face. Mais il n'y avait pas là de quoi modifier l'opinion de M. de Mussidan sur cet effaré. Pas plus qu'il n'y avait de quoi lui faire trouver agréable les relations que sa femme et sa fille entretenaient avec ces gens-là. Cela le fâchait qu'elles eussent de nouveaux amis. À quoi bon? Il ne leur suffisait donc plus? Vraiment, toutes les femmes sont volages et ingrates. Il leur faut la diversité, même quand elle est banale. Quel plaisir pouvez-vous trouver chez ces gens-là? Vous y êtes toujours fourré. C'était Geneviève qui avait répondu. Si vous saviez comme c'est amusant de se balancer. Et puis il y a M. Quick-Quick qui est si joli, si aimable, et puis il y a... Elle avait énuméré tous les plaisirs qu'elle trouvait chez ces gens-là. Mais bientôt elle s'était montrée plus circonspecte dans ses réponses et plus réservée dans ses élans de joie, car elle avait bien vu que cette joie contrariait son père. « Papa est fâché que nous nous amusions sans lui, » avait-elle dit à sa mère. « Pourquoi ne vient-il pas avec nous? Il s'amuserait comme nous. Ton père ne peut pas s'amuser à courir dans le jardin. » Il restera avec nous, avec Madame Faré, Madame Guesfiller et toi. La compagnie de Madame Faré et de Madame Guesfiller n'est pas pour plaire à un homme comme ton père. Et celle de M. Ernest, il parle très bien, M. Ernest. Il sait beaucoup de choses, il connaît beaucoup de gens, il a toujours des histoires à raconter. Mais Geneviève n'en avait pas voulu à son père de ce que celui-ci refusait de venir rue Girardon. Et même, elle avait tout fait pour qu'il ne fût pas peiné de ce qu'elle y allait elle-même. En rentrant, elle avait eu la précaution de mettre une sourdine à sa joie, et en parlant, elle avait évité tout ce qui se rapportait au Faré. Mais elle ne s'en était pas tenue là. Elle avait redoublé de prévenance et de marques d'affection pour son père, car elle avait au plus haut point le souci de ne point peiner ceux qu'elle aimait. Pauvre père, il ne fallait pas qu'il fût malheureux parce qu'elle prenait plaisir à aller rue Girardon. En cela, elle ne lui faisait aucun tort. Elle n'était pas moins tendre, moins affectueuse pour lui, au contraire. Car jamais elle n'avait tant envie de l'embrasser que lorsqu'elle rentrait contente et qu'elle lui voulut lui faire partager son bonheur. Justement, on était aux environs de Noël, et alors l'idée lui était venue de faire à son père une surprise qui lui prouva bien qu'elle pensait à lui et qu'il était tout pour elle. Naturellement, elle en avait parlé à sa mère, et après qu'on s'est tenu, elles avaient décidé qu'elle lui préparerait un réveillon. « Si nous pouvions avoir un pâté de foie de canard, » dit Geneviève, qui savait que son père aimait par-dessus tout ce mets national. On avait écrit à Toulouse, et on avait eu une terrine de foie de canard. Nous ne dirons rien, et quand papa rentrera le soir, il trouvera la table servie. Je sauterai bas de mon lit, et je viendrai l'embrasser. Comme il sera content, il verra bien que c'est lui que nous aimons. Mais lui, qui sortait tous les soirs après dîner pour aller à son café, n'était pas sorti ce jour-là, et comme il ne disait rien, elles avaient attendu anxieusement qu'il partît pour mettre leur table et dresser leur festin. Du beurre, la fameuse terrine de foie gras, une salade de barbe avec des betteraves, des pommes, des gâteaux. Mais il n'était pas parti. À 10 heures seulement, il avait quitté son fauteuil. Elles avaient respiré. « Je vais m'habiller, » dit-il. « Pour aller où ?» Il avait lui-même répondu à cette question qu'elle n'osait pas lui adresser. « Le marquis d'Arlanzon m'a invité pour cette nuit. Je verrai son Altesse. » Elle ne pouvait pas lutter contre une altesse. Elle n'avait rien dit. À quoi bon parler de leur pâté? Et après avoir donné à sa toilette plus de soin encore que tous les jours, il était parti tout flambant. Elles étaient restées abasourdies. « Bonne nuit, maman, » dit Geneviève. « Tu ne veux pas manger ?»« Non, merci, je n'ai pas faim. Mais si tu veux que je te tienne compagnie, merci, je n'ai pas faim non plus. » Et après avoir embrassé sa mère tristement, Geneviève s'était retirée dans sa chambre. Tout à coup, elle était revenue gaiement. « J'ai une idée. Nous lui ferons une surprise pour le jour de l'an. » Ils avaient pioché cette surprise. Quelque chose de bien imprévu, de bien extraordinaire, et aussi de bien agréable. Ce sont les heureux de ce monde qui voient approcher avec effroi le moment des étrennes. Blasés qu'ils sont, autant qu'embarrassés par la multiplicité des cadeaux qu'ils ont à donner. Mais Geneviève et sa mère n'étaient point des heureux de ce monde. Elles n'avaient qu'un cadeau à donner, et le plaisir qu'elles s'en promettaient ne serait point divisé entre ceci ou cela. Aussi était-ce pour elles une grosse affaire, non seulement pour la somme à dépenser, mais encore pour l'objet à lui offrir. Elles ne l'avaient pas, cette somme, et la responsabilité dont elles allaient se charger en choisissant quelque chose pour lui, en lui imposant leur goût, pour ainsi dire, les paralysait. Enfin, le désir de faire plaisir à son papa avait inspiré Geneviève. La semaine précédente, il avait écrasé un de ses boutons de manchette, et si complètement que toute réparation était impossible. Elle lui en donnerait une nouvelle paire, et pour la payer, elle porterait au mont-de-piété une petite croix de cou en rose, qui était un cadeau de mademoiselle de Puylaurens, un bijou de famille, le seul qui n'eût jamais encore vu le mont-de-piété. Sur cette croix, on leur avait avancé 150 francs, et ils n'avaient plus qu'à choisir leur bouton, ce qui leur avait pris 3 jours de course et de visite aux vitrines des bijoutiers du boulevard. Le 31 décembre, elles étaient rentrées pour déjeuner, ayant en poche leur cadeau. Quelle joie! Elle n'avait plus qu'une journée et une nuit à attendre. « Moi, tu sais, » dit Geneviève, « je ne dormirai pas. Tâche de bien te tenir, ma mignonne, ou ton père se doutera de quelque chose. Il n'y a pas de danger. » Il ne pensait pas à les observer. Quand elles étaient parties au conservatoire, il dormait encore et elles ne l'avaient pas vu. Elles le trouvèrent sombre, arpentant la salle à manger à grands pas. « Êtes-vous souffrant, papa ?» demanda Geneviève en courant à lui pour l'embrasser. « Oui, de la tête, d'esprit, de cœur. » « Il est mauvais que vous me laissiez seul. C'était pour aller au conservatoire. »« Ah, je sais, on a toujours de bonnes raisons pour abandonner son père. Et moi, pendant ce temps, je reste livré à mes tristes pensées. Cela ne vous dit rien, à vous autres, une année qui finit. Moi, cela me fait réfléchir. La vie se dévore, et c'est pour moi toujours la même chose. Les privations, les ennuis de toutes sortes, les dégoûts, la misère. » Elles le regardèrent avec inquiétude. « Je ne veux pas vous attrister, je vois que je vous attriste cependant. » « Ce n'est pas assez de mon chagrin, il faut encore que j'aie le vôtre. Demain, tout le monde sera la joie. Nous resterons dans notre sombre solitude. Mais papa !» s'écria Geneviève. Puis, craignant d'en trop dire, elle se tut. Pour lui, elle continua. « Je ne pourrai jamais supporter ici cette journée de demain. Je vais partir pour le Havre. Il y a longtemps que je n'ai vu la mer. Cela me sera bon. » Elle restait anéantie et de grosses larmes emplirent les yeux de Geneviève. « Il me manque 50 francs. » dit-il à sa femme. « Je pense que vous vous arrangerez pour me les trouver. » Il fut simple, l'arrangement, mais terrible. Madame de Mussidan emporta au moins de piété les boutons qu'elle avait achetés 2 heures auparavant. Il partit, consolé, ragaillardi. « Enfin, maman, » dit Geneviève lorsqu'elles se trouvèrent seules, « c'est tout de même des étrennes, puisque la mère va lui faire plaisir. »